Cinquième point, promulgation. Enfin, pour que cette définition dogmatique par nous prononcée, touchant l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, soit portée à la connaissance de l'Église universelle, nous avons voulu la consigner dans nos présentes lettres apostoliques, en perpétuelle mémoire de la chose, ordonnant que les copies manuscrites qui seront faites desdites lettres, ou même les exemplaires qui en seront imprimés, contresignés par un notaire public et munis du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, fassent foi auprès de tous, de la même manière absolument que le feraient les présentes lettres elles-mêmes, si elles étaient exhibées ou produites. Qu'il ne soit donc permis à qui que ce soit de contredire par une audacieuse témérité ce texte écrit de notre déclaration, décision et définition, ou bien d'y porter atteinte et de s'y opposer. Que si quelqu'un avait la hardiesse de l'entreprendre, qu'il sache qu'il encourrait le courroux du Dieu Tout-Puissant et de ses apôtres Pierre et Paul. Donné à Rome près Saint-Pierre l'an 1854 de l'incarnation de notre Seigneur, le sixième jour avant les Ides de décembre de l'an 1854, de notre pontificat le 9e. Pie IX, pape.